fond c'est la merde. Très très pote au fond la perte. Depuis petit peu c'est la guerre. J'suis grave pour ma paire de shoes. Sache que personne va me l'acheter. Fais ce qu'il faut pour faire le flou. Je prends ton 12 et tchao le coude. Comment ça j'ai pas la cote. Rien à foutre j'leur vends la coque. Trimballe Jim Jean Lacoste. Avec Migos dans l'iPhone. Tous les jours j'esquive les mêmes guetapes en frère. Les mêmes képis. Me parle pas de partir en vacances. Le terrain fait le même débit. Hein. V'là l'époque. Très très pote au fond la perte. Depuis petit peu c'est la guerre. J'vais grave pour ma paire de shoes. V'là l'époque. V'là l'époque. J'ai la vingtaine c'est la merde. V'là l'époque. J'ai la vingtaine c'est la merde. Ouais. La merde.